La Bible, c'est la parole de Dieu inspirée. Et notre désir, donc, c'est de s'approcher humblement à l'écoute de notre Dieu pour qu'il puisse nous parler. Et donc, je vous invite à tourner dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, au chapitre 1. Je vais commencer par faire la lecture du texte, puis ensuite on va tirer quelques principes importants pour nous de ce texte. Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 9. On va donc parler ce matin de la gloire de Jésus. Jésus, notre Sauveur, est glorieux. Quand il est venu sur cette terre, il est venu humblement et sa gloire était cachée, voilée, mais dans sa personnalité, il est glorieux, puis c'est ce que va nous révéler ce texte de l'Apocalypse. Donc, Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 9. Jean, l'auteur, dit, « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Il y a donc naturellement trois parties là, dans ce texte. Dans la première partie, versets 9 à 11, Jean nous parle un petit peu de sa situation. Il se trouve sur l'île de Patmos, probablement en exil, et au jour du Seigneur, probablement le dimanche, il reçoit une vision. Il entend une voix et il reçoit une vision. Donc, il y a sa situation, versets 9 à 11. Versets 12 à 16, il y a la vision en soi. Et c'est sur cet aspect-là qu'on va s'attarder ce matin. Il reçoit donc une vision du Christ ressuscité, élevé dans la gloire, puissant, à qui Dieu a donné toute gloire, tout honneur, tout pouvoir, qui est maintenant le chef suprême de l'Église. Il nous est présenté dans toute sa gloire, sa sainteté et sa lumière. Ce n'est pas une description du Père, c'est vraiment une description de Jésus, parce qu'au verset 17 et 18, il dit, « J'étais mort, et voici, je suis vivant, il est revenu à la vie. » Donc, le Père ne peut pas dire ça. C'est vraiment une vision ici de Jésus. Et soyons très clairs, ce n'est pas une description physique que Jésus ressemblerait à ça. Il y a des gens qui ont tenté de peindre à partir de ça une image de Jésus. J'en ai trouvé une qui devrait apparaître, la suivante. Mais ça ne fait pas vraiment de sens. Parce que ce n'est pas une description physique, c'est beaucoup plus une description du statut, du caractère de Jésus qu'on a besoin de se faire rappeler. C'est beaucoup plus une vision imagée dans un style apocalyptique, un peu poétique, c'est le style de l'Apocalypse. Mais ce qui nous est révélé est extrêmement précis, extrêmement important pour nous. Et on a besoin donc de s'y attarder. De tenter de faire une description comme ça, ça a un non-sens parce que dans le style apocalyptique, exemple, sa main droite, il tient les sept étoiles, mais en même temps, il y a la main droite sur l'épaule de Jean. Donc, on comprend que c'est une description qui dépasse notre compréhension ou quelque chose de trop cartésien, là. Mais ce qui nous est dit, je le répète, est extrêmement important pour nous. Donc, il y a la situation de Jean, la vision, puis finalement, versets 17 à 20, il y a la réaction de Jean face à cette vision. On va y revenir. En fait, ce texte réaffirme, et vous m'écoutez bien, ce texte réaffirme ce qui est enseigné à la grandeur de l'Écriture, c'est-à-dire que Jésus est central. Pour le croyant, la personne de Jésus est centrale. Pour Dieu, dans son œuvre, dans son plan, la personne de Jésus est centrale. Personnellement, il y a vraiment deux textes dans l'Écriture qui, constamment, j'y reviens, puis qui me semble qu'on doit tenir compte, puis qui donnent toute une direction comment on doit approcher l'Écriture, la révélation de Dieu. Le premier texte, c'est dans Matthieu, chapitre 13, un verset, une parabole, où on nous dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui travaille dans un champ, puis qui découvre un trésor. Et dans sa joie, il vend tout ce qu'il possède pour acheter ce trésor. Puis on nous dit donc, ça c'est le royaume de Dieu. En fait, c'est Jésus. Jésus est le roi. C'est lui qui est venu établir le royaume. Il est le roi central dans le royaume. Puis quand on découvre Jésus, là, il est tellement précieux. Il est un trésor pour nous. Tout le reste perd sa valeur. Et on est prêt à abandonner tout le reste pour avoir Jésus, parce qu'il est précieux. Et ça, c'est dans notre joie, dans sa joie, il vend tout ce qu'il possède. C'est ce qu'on a, ce qui nous est arrivé, nous qui sommes des croyants. Être croyant, ce n'est pas changer de religion, ce n'est pas commencer à suivre une série de règles. Être croyant, c'est d'avoir rencontré Jésus, qui est précieux, qui est glorieux, et qui change toute notre vie. Puis les autres choses, on les place dans la perspective à la lumière de qui est Jésus. Parce qu'il est notre sauveur, parce qu'il était mort, comme c'est présenté, il est ressuscité, il est mort pour nous, ressuscité pour nous, et nous avons notre salut en lui. Et c'est lui la source de la vie chrétienne aussi. Donc, cette vision réaffirme comment Jésus est central. Puis le deuxième texte que j'aime beaucoup, qui va dans cette même direction, qui présente comment Jésus est central, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, où l'apôtre Paul dit que nous, les croyants, là, le voile a été ôté. Dans le contexte, il parle des Juifs qui lisent l'Ancien Testament, puis il dit quand ils lisent, il y a un voile qui demeure, puis ils ne comprennent pas. Mais il dit, nous, le voile a été ôté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Jésus dans l'Écriture. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est tout un texte, ça. Donc, Dieu nous enlève le voile, on comprend l'Écriture, mais ce qu'on comprend, c'est Jésus, parce qu'il est le centre de l'Écriture. Donc, le voile est enlevé, on contemple la gloire de Jésus. Puis en le contemplant, on est transformé. Par la contemplation, en ayant les regards sur Jésus, on est transformé de gloire en gloire. De plus en plus, on devient comme Jésus. Il y a là vraiment une clé, c'est vraiment important, où on nous dit que comment on est transformé? Comment tu peux avoir des victoires? Comment tu peux grandir comme chrétien? Par ta bonne volonté, en prenant des résolutions? Ah, tu peux en prendre. Mais ce n'est pas ça la clé. La clé, c'est contempler Jésus. Connaître Jésus. Le découvrir. Voir les provisions qu'on a en lui. Demeurer en lui, puiser toutes ses grâces, ses ressources. Mais en le contemplant, on est transformé pour devenir comme lui. En fait, la vie marche comme ça. Ce que tu contemples, ce que tu admires, tu vas devenir comme ça. Les gens qui aiment Elvis, ils s'habillent comme Elvis, puis ils ont des favoris comme Elvis, puis ils dansent comme Elvis, puis hein? C'est vrai, tu finis que tu ressembles à ce que tu admires. Bien, nous, on admire Jésus. Et chaque jour, alors qu'on lit l'Écriture, c'est lui qu'on veut découvrir. Et en le découvrant, on est transformé. Donc, ce texte réaffirme que Jésus est central, comme les deux autres textes que je viens de vous mentionner. Cette vision aussi réaffirme combien on a besoin de voir la gloire de Jésus. Vous savez, Jean était un intime de Jésus. L'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, c'est un intime de Jésus. Et il l'a vu dans son humilité. Des fois, il posait des questions, il était troublé. Il avait sa tête couchée sur son sein souvent. C'était un colleux, ça, ce Jean-là. Hein? Puis, donc, très proche de Jésus, il a découvert son humilité, il a découvert sa compassion. De temps en temps, il s'est mis à ses pieds puis il l'a adoré parce qu'il a vu sa puissance. Exemple, quand il a arrêté le vent, la tempête. Donc, Jean était très proche de Jésus. Mais là, tout à coup, il a une vision, puis il tombe comme mort. Il a contemplé, il a vu quelque chose là qu'il n'avait pas vu souvent. Vous savez, on peut s'arrêter, puis rester dans les évangiles, puis voir Jésus dans son humilité, absolument. Puis c'est une révélation tellement importante, c'est tellement précieux. Mais on se rappelle que quand Jésus est venu sur la terre, sa gloire, parce qu'il est la deuxième personne de la Trinité, puis il ne pouvait pas se présenter à nous dans toute sa gloire et sa perfection et sa sainteté. Donc, il a pris une forme humaine, il garde toujours cette forme humaine. Puis, donc, il est venu d'une façon voilée. Et c'est pour ça que les gens l'ont méprisé, l'ont rejeté. Il n'a pas choisi d'utiliser toutes ses prérogatives divines. Puis, les gens n'ont pas saisi tout ce qui était. Mais voilà que tout à coup, il y a comme un autre angle, sans négliger le premier, il est important, absolument important. Mais on a besoin de voir que Jésus, il est aussi le Dieu glorieux, le Dieu éternel, le Tout-Puissant qu'on ne peut même pas regarder en face et vivre, celui que les anges couvrent la face pour l'adorer. Il est grand, il est glorieux. Et c'est comme ça que ça nous est présenté. Il y a quelques bribes dans l'Écriture, il y a quelques chapitres, textes qui nous enlèvent le voile et qui nous font voir cet aspect-là de Jésus. Et c'est important qu'on s'y arrête. Entre autres à la Transfiguration, Ésaïe chapitre 6, où les anges sont devant le trône puis ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». C'est très spécial parce que dans l'Évangile de Jean, on nous dit que cette vision-là qu'Ésaïe a eue lorsqu'il a été appelé, c'était une vision de Jésus. C'est Jésus, ça, qui est sur le trône puis que les anges adorent et qui se cache la face tellement il est puissant et glorieux et élevé, exalté. Alors, ces textes qu'on a ici et là dans l'Écriture, on doit s'y arrêter. Si on ne considère pas cela, on va malheureusement développer une familiarité avec Jésus. La crainte de Dieu, c'est plus ou moins là, si on ne s'arrête pas à cela. Ah, Jésus, c'est mon chum, c'est mon ami, on est deux proches ensemble. C'est vrai qu'il est mon ami. Hein? Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Mais il est Dieu, et on doit le craindre, on doit le révérer, on doit l'adorer, on doit le respecter, on craint les hommes, on craint toutes sortes de choses. On devrait le craindre beaucoup plus que tout le reste. Alors, cette vision réaffirme qu'on a besoin de voir la gloire de Jésus. Jean en avait besoin. Ici, c'est à Jean que Jésus est apparu. C'est lui qui a eu la vision. Jean, à ce moment-là, avait, on pense, à peu près 90 ans. Il se retrouve sur l'île de Patmos, puis on nous dit que c'est à cause du témoignage de Jésus, puis à cause de la parole de Dieu. Alors, il y a deux interprétations possibles. Soit qu'il s'est retrouvé là pour rendre témoignage, ou il s'est retrouvé là en exil, un peu en punition, en jugement, parce que les autorités n'acceptaient pas que la parole soit prêchée. Et c'est plus cette deuxième interprétation qui a été retenue, parce qu'il semble, selon l'histoire, que Patmos était vraiment une île où on envoyait des criminels et des gens que la société ne voulait plus endurer. Et donc, probablement que Jean, à 90 ans, il se dit, je le vois, me semble, réfléchir, puis dire, est-ce que je continue à témoigner? 90 ans, ce serait peut-être le temps que je prenne ma retraite, là. Je n'ai fait pas mal, j'ai écrit un évangile, j'ai écrit trois épîtres, l'Apocalypse. Bon, peut-être me prendre un break à 90 ans, prendre ma pension tranquille. Les jeunes prendront en relève, c'est assez, là, hein? Non! Jean, encore à 90 ans, zélé. Et il dit, non, personne, même les persécutions ne m'arrêteront pas de rendre témoignage de mon Sauveur. Et il va, et il tient ferme. Il dit, moi, Jean, qui ai part à la persévérance au royaume, à la persécution, c'est comme ça qu'il se voit, il y a eu cette révélation-là. Qu'est-ce qu'on a besoin pour persévérer? De prendre des meilleurs cours d'administration, de prendre, des cours de personnalité pour mieux apprendre à s'affirmer, tout ça. On a besoin de voir Jésus. Jean avait besoin de voir Jésus. Et alors qu'il est là, quelle grâce le Seigneur lui montre qui il est. Et Jean est rafraîchi dans son ministère, puis va continuer à 90 ans à contempler Jésus, à aimer Jésus, à servir Jésus, puis à accepter les persécutions. Puis on raconte même qu'il serait mort martyr à la fin. Ce n'est pas dans l'Écriture, c'est dans l'histoire de l'Église, l'histoire profane. Donc, Jean avait besoin de Jésus. Et savez-vous quoi? Les églises, les sept églises, parce qu'il dit à Jean, il le mandate, il dit, ce que tu vois là, écris-le dans un rouleau, puis envoie-le aux sept églises qu'il nomme. C'est des églises réelles de l'Asie mineure de l'époque. Alors, ces églises-là, ce qui est intéressant, il y a sept lettres, une par église. On a ça dans les chapitres suivants, 2 et 3. Et chacune de ces lettres reprend un aspect de cette vision. Il dit, par exemple, à une église, « Voici ce que dit celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont comme de l'airain ardent. » À une église qui se laissait aller un petit peu avec le péché, qui ne luttait plus comme elle aurait dû. À une autre église qui est persécutée, il dit, « Voici ce que dit celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Je suis l'alpha, l'oméga. » Il rappelle cela. À ceux aussi qui faisaient des compromis dans la doctrine, il dit, « Voici ce que dit celui qui a l'épée qui sort de sa bouche et qui va combattre avec l'épée. » Donc, les églises avaient besoin de cette vision rafraîchie de qui est Jésus dans sa gloire aussi. Et nous avons besoin aussi de voir, de contempler Jésus. Jean, lui, l'a contemplé au travers d'une vision. Vous êtes d'accord? Lui, il reçoit la vision, mais il le met par écrit. Merci Seigneur, tu as permis que Jean mette ça par écrit. Et les églises l'ont eu par écrit, les sept premières églises. Ils ont eu la même parole que nous. Et Jésus dit, c'est suffisant. Ce que vous avez là, c'est suffisant. Puis ça devrait, la description qui est faite de moi, dit Jésus, ça devrait être suffisant pour vous pour gérer les défis que vous rencontrez, les problèmes que vous rencontrez dans l'Église. Vous avez besoin d'être encouragé, d'être fortifié. Bien, ça devrait, ce qui est écrit là, vous suffire. Et Dieu, dans sa grâce, a permis que ce soit jusqu'à nous aujourd'hui aussi. Alors, nous avons cette vision de Jésus glorifié, exalté, tout puissant, tout pouvoir lui a été remis. C'est cette vision que nous avons de Jésus et dont nous avons besoin. Donc, le plan ce matin, assez rapidement, ça va être deux points. On va considérer cette description de Jésus, mais très rapidement. Puis, en fait, je vais juste l'effleurer. Puis, même je priais là-dessus, puis je me dis, comment je peux arriver. Dans le fond, on aimerait que quand le message est fini ce matin, qu'on soit tous comme Jean, à moitié mort, bien dans le bon sens, là, par la vision de dire « Wow, hey, Jésus est donc bien grand, tout ça. » Et moi, je n'ai pas cette prétention de pouvoir faire cela, mais que Dieu, lui, qui est tout puissant, dans sa grâce, utilise la parole, sa parole, pour créer cela en nous, et que ce soit aussi un espèce de stimulant pour vous pousser à aller un pas plus loin, puis étudier cette vision ici. Donc, on va considérer cette description de Jésus, puis on va considérer quelques implications pour nous aujourd'hui. D'abord, la description. Alors, je le répète, cette description, elle est si élevée que Jean est tombé comme mort par terre. Puis ça, c'est la réalité. Quand Dieu, on appelle ça des théophanies dans l'Écriture, c'est que Dieu, des fois, apparaît aux hommes. Mais chaque fois qu'il apparaît, là, soyons honnêtes, c'est toujours avec une certaine forme de retenue. Parce qu'il ne peut pas nous apparaître dans toute sa gloire. On mourrait. C'est trop puissant, c'est trop glorieux. Alors, il y a quand même quelque chose où Dieu garde une petite gêne, on va dire. Mais c'est suffisant pour que Jean, ici, soit comme mort. C'est la même chose dans Ésaïe. Il est apparu à Ézéchiel. Il est apparu à Daniel. Puis les gars, il y en a un qui dit, je suis comme en décomposition. Daniel emploie ces mots-là. Ésaïe dit, « Malheur à moi, j'ai vu le roi de gloire. Malheur à moi. » Donc, c'est très glorieux. Première chose qu'on voit au verset 10, c'est la voix. En fait, Jean, ça semble se passer derrière lui. Il entend une voix qui lui dit ce que tu vas pouvoir voir maintenant. Écris-le dans un livre, tout ça. Donc, il y a une voix, mais il dit qu'elle est comme une trompette, forte, forte comme une trompette. C'est une voix éclatante. Jean, il ne sait pas dans son imagination, il n'a pas comme entendu un petit murmure. Il aurait pu se tromper, c'est parce qu'il avait trop mangé de pizza la veille. Non, c'était très clair, perçant, puissant, une voix, la voix de Jésus. Puis ensuite, on nous dit, elle était comme le bruit de grandes eaux au verset 15. C'est tiré d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1, verset 24, où Ézéchiel a vu la gloire de Dieu. Et en passant, Jean ne cite jamais l'Ancien Testament des longs passages. Okay? Comme Matthieu peut le faire, Hébreu peut le faire, des fois c'est presque des demi-chapitres. Mais Jean ne cite jamais longuement l'Écriture, mais il fait constamment allusion. Et cette vision-là, si vous ne connaissez pas beaucoup Ésaïe, si vous ne connaissez pas beaucoup le livre de Daniel, Ézéchiel, Zacharie, on va avoir de la misère à saisir ce qui est là, parce que c'est tout pris de l'Ancien Testament, de ces manifestations que Dieu a faites. Et la voix qui est comme un bruit de grandes eaux, ben, c'est tiré d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 24. Il emploie deux images dans Ézéchiel, il dit, c'était c'est comme des grandes eaux, c'est comme une armée qui arriverait, là, un bruit qui est impressionnant, englobant, redoutant. Il a entendu ça, là, puis probablement qu'il a commencé à shaker avec cette voix-là. La voix de Jésus, elle est puissante, redoutable, créatrice, puissante, et on devrait l'écouter. On nous dit ensuite au verset 13, il a vu, donc il se détourne, puis une des premières choses qu'il a vues concernant Jésus, il dit, je vis comme un fils de l'homme, comme un fils de l'homme. Et peut-être notre premier réflexe, ça va être de dire, bon, il y a deux titres de Jésus dans l'Écriture. Il y a le Fils de Dieu. Ça, c'est son titre glorieux qui parle de sa divinité, son éternité, sa gloire, tout ça. Puis le Fils de l'homme, ça décrit son humilité, son humanité. Puis on contraste les deux. Attention, faites pas trop cette conclusion-là. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. C'est vrai que des fois, Fils de l'homme parle de l'être humain dans sa fragilité. Mais le titre est tiré de Daniel, encore d'une de ces révélations où Dieu apparaît. Et on voit dans le livre de Daniel, au chapitre 7, je pense, je n'ai pas noté le chapitre, je pense que c'est 7, verset 13. Laissez-moi vous lire ce qui est écrit. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Il s'avança vers l'Ancien des jours, qui est Dieu, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. » Donc, le Fils de l'homme dans Daniel, c'est un personnage glorieux à qui on remet tout le pouvoir, que Dieu lui remet tout le pouvoir. Donc, le titre « Fils de l'homme », puis en passant, c'est le titre préféré que Jésus employait pour se décrire lui-même, là, dans, il parle « le Fils de l'homme », puis que « désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, puis revenant sur les nuées des cieux ». Alors, il y a vraiment l'idée de quelque chose de glorieux, puissant, le dominateur, celui qui règne sur toute chose. On nous dit, au verset 13, qu'il est vêtu d'une longue robe et qu'il a une ceinture d'or sur la poitrine. Une longue robe. Vous savez que dans l'Empire romain, plus ta robe était longue, plus tu avais de l'autorité, du pouvoir. Alors, si tu étais un centenier, tu l'avais à un certain niveau. Si tu étais l'empereur, ça traînait jusqu'à terre. Donc, plus... Et on nous dit ici qu'il a une longue robe. C'est vrai que le mot « robe » est employé ailleurs dans l'Écriture uniquement pour parler du sacrificateur, ou à peu près. La robe du sacrificateur aussi qui était longue. Mais je ne pense pas qu'on veut nous présenter Jésus ici comme le sacrificateur, mais vraiment, c'est son statut. C'est une façon de voir sa puissance, son autorité. Et en plus, il a une ceinture, pas aux reins, comme les travailleurs, qui avaient une ceinture autour des reins, qui devaient relever leur robe pour travailler. Lui, c'est une ceinture à la poitrine en or, pour encore faire paraître sa puissance, sa richesse, sa gloire, son autorité, son statut. C'est comme ça que Jésus est. Verset 14, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. » Encore une fois, c'est tiré de Daniel 7, le texte que je vous ai cité tout à l'heure. Tu dis, « Jean, pour moi, tu t'es trompé. » Je vous explique pourquoi. Il ne s'est pas trompé, mais ça pourrait être notre première impression. Jean, dans Daniel, chapitre 7, on nous dit qu'il y a l'Ancien des jours qui est là. OK? Puis on nous le décrit, puis on dit sa tête, ses cheveux étaient blancs, comme de la neige, comme de la laine blanche. Puis là, Jean, il nous dit, mais c'est Jésus qui a les cheveux blancs, comme de la laine, puis comme de la neige blanche. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Ancien des jours qui remet le royaume au Fils de l'homme. Mais là, c'est le Fils de l'homme dans le Nouveau. Jean, t'es-tu trompé? Puis Jean dit, non, faites-vous-en pas, je connais ma théologie. Jésus, il est Dieu aussi. Puis des fois, il les met ensemble, on se dit, coudonc, Jésus, y es-tu le Père? Y es-tu le... Et je pense que son idée, c'est simplement, je pense qu'il le résume bien dans Jean 1, c'est qu'il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, donc distinct de Dieu, Jésus c'est la parole, distinct de Dieu, mais la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Alors, Jésus, il a les cheveux blancs ici, je ne pense pas nécessairement que c'est vrai, c'est physiquement que ça ressemble à ça, mais il veut simplement nous dire, il est l'Ancien des jours. Il est éternel. Il n'y a pas de commencement de vie, pas de fin. Nous, aujourd'hui, on fait tout pour cacher notre... qu'on prend de l'âge, pas vrai? On se met de la teinture, on se met de la peinture. Non, c'est de la... On se met plein de choses, hein? On peut même se faire opérer, se faire enlever les cernes, les rides. On veut tout faire pour cacher l'âge. Vous savez que dans les sociétés antiques, ce n'était pas comme ça. Quand quelqu'un avait les cheveux blancs, c'était une couronne d'honneur, c'est ce que les proverbes nous disent. Parce que c'est une marque de sagesse. Tu as acquis de la sagesse avec le temps. Hein? Ben, je pense que l'image, elle est là ici. C'est encore, ça nous parle de sa sagesse, sa gloire, qu'on doit se courber. Si on se courbait dans l'Ancien Testament devant les vieillards, ben, on doit se courber devant le Seigneur Jésus qui est sage, éternel. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, verset 14b, c'est encore une fois tiré de Daniel, chapitre 10, verset 6. Ça représente ici sa capacité de percevoir. C'est comme des rayons X, sa capacité de percevoir, de discerner jusqu'au plus profond de l'être humain. Cette même caractéristique est employée plus loin dans une des églises, au verset, chapitre 2, verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, puis regardez bien, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, celui qui a les pieds, dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. qui ajoute ensuite, « Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous, les églises, selon vos œuvres. » Ça nous présente le Seigneur Jésus qui connaît tout. Il y a quelque chose là de redoutable ou de réconfortant. Parce que si on marche dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, on est en communion, puis son sang nous purifie de tout péché. Mais il y a quand même là une lumière perçante qui devrait nous emmener à être respectueux et éviter le mal. Vous vous rappelez le chant, ce vieux chant qu'on chantait, qui dit ceci, puis c'est tiré de ce texte. « Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre, c'est ce qu'on désire, au fond de notre âme, et qu'il juge en nous le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes passées, sonde nos plus secrets désirs, qu'à la lumière tout paraisse pour que tout soit purifié, et qu'en nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié. » Ses pieds, verset 15, étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. L'airain, c'est une espèce de mélange d'or et d'argent, donc c'est quelque chose de précieux, mais en même temps quelque chose qui est très lumineux. Et donc, lui, il regarde ça, et c'est quelque chose d'extrêmement brillant. Puis c'est comme ça que Dieu est décrit dans l'Écriture, puis Jésus dans sa gloire. Il habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Et c'est lié à l'image précédente, ses yeux comme une flamme de feu, ses pieds comme de l'airain qui est ardent, embrasé comme dans une fournaise où notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est Hébreux qui dit ça, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, ça vient de l'Ancien Testament. Notre Dieu est un feu dévorant. Et on nous dit qu'il avait dans sa main droite sept étoiles, qui sont les sept anges. Il y a différentes interprétations de c'est quoi ces anges-là. Je vais le passer parce que ça demanderait trop de temps et peut-être on pourra en parler mercredi ensemble. Je sais que ça vous intéresserait, mais le temps manque. Je vais aller tout de suite au verset 16. « De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. » Une épée aiguë à deux tranchants, ça vous dit quelque chose, ça revient souvent dans l'Écriture. Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » C'est l'idée que la parole de Dieu est pénétrante, tranchante. Elle révèle le cœur. Des fois, nous accuse, mais elle répare aussi. Mais pour celui qui ne veut pas se repentir, elle devient un jugement aussi. C'est cette parole-là qui va nous juger au dernier jour. En fait, la manière dont Jésus est décrit ici, il y a quelque chose de terrifiant. Il y a quelque chose qui nous amène à pas niaiser que le péché, pas vrai? Hein? Et c'est adressé aux églises. Vous savez, il y a des gens qui nous disent, « Ah, j'aime l'Apocalypse, parce que le monde est tellement pourri, méchant, puis j'ai hâte que Jésus revienne, puis qu'il fasse un jugement, puis qu'il règle ça une fois pour toutes, puis qu'il nous débarrasse des pécheurs, puis des méchants, puis des mauvais. » Ouais. Sauf que dans l'Apocalypse, ça commence par l'Église. Hein? Ça commence en disant... que ce Jésus qui nous est décrit là, avec quelque chose qui est redoutable, impressionnant, éclatant, glorieux, ben c'est Pierre qui dit, si le jugement commence par la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Et on comprend, il y a un monde de différence entre le jugement que Dieu amène sur son Église. On emploie le mot jugement, Pierre l'emploie, mais c'est Dieu qui châtie celui qu'il aime avec grâce, avec amour, mais avec aussi sévérité. Mais Dieu intervient. Jésus ne laisse pas son Église faire n'importe quoi. Donc, il intervient, mais il l'aime. Comme des parents interviennent envers des enfants. Ça, c'est le jugement. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Mais il y a quand même quelque chose là que l'Église a besoin d'entendre aujourd'hui, où on dit, ben, on est sous la grâce, puis ben, oui, on est pécheurs, tant qu'être pécheurs, pêchons. Hein, de... Non! Non. Une épée à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ça nous rappelle vraiment la... quand Jésus a été transfiguré, hein, le soleil qui brille dans sa force. Donc, cette vision nous révèle, en fait, ce que l'œil peut voir, ce que l'oreille entend, on dirait que Jean sollicite tout ça pour créer en nous, en celui qui lit, un sentiment où on dit, il est grand, il est glorieux le Seigneur Jésus. Et je veux l'honorer, je veux le craindre et l'aimer et être en paix et en communion avec lui. Notre Dieu est redoutable. Job dit, « Oh, que ta majesté est redoutable. Il est un feu dévorant. Il est saint, digne, exalté, élevé. » On parle de l'éclat de sa gloire dans l'Écriture. Il mérite la crainte, l'adoration, la louange, un saint respect, une révérence. Quelques applications en terminant. Donc, je le répète, l'Apocalypse commence par rappeler la gloire de Jésus. Ce qu'on cherche, nous, habituellement, dans l'Apocalypse, dernièrement, j'avais l'occasion de témoigner à quelqu'un, puis on se voit régulièrement, il a commencé à lire la Bible, puis lui, ce qu'il veut, c'est comprendre l'Apocalypse, il me disait ça, puis donc on a eu un bel échange, mais il a hâte de voir, lui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer avec la Terre, puis qu'est-ce qui va se passer dans le futur. La prophétie, c'est quelque chose de le fun, on veut connaître ça. Super, c'est vrai, puis je pense que c'est un des aspects de l'Apocalypse. Mais d'abord et avant tout, Jean dit, ce que l'Église a besoin, c'est de voir Jésus dans sa gloire. Et les autres choses qu'enseigne l'Apocalypse vont juste s'enligner avec cet aspect-là de Jésus, puis nous aider à les voir dans la bonne perspective, dans la bonne direction. On est tellement facilement impressionnés par la position des gens, par leur statut, par leur apparence. Et quand quelqu'un a de l'argent, puis ça paraît par son auto, par sa maison, par ses habillements, tout ça, on est impressionné par ça. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Puis on est fait pour être impressionné. Dieu nous a fait pour l'adorer. Bon, on se contente de n'importe quoi. T'sais, notre cœur, je vois passer un beau char, puis je m'arrête, puis là, j'écoute le bruit, puis j'aimerais ça rentrer dedans, l'essayer un peu, puis aller voir, puis on est impressionné, pas vrai? Bien, si on veut être impressionné, regardons Jésus. Vous savez, des dignitaires, des fois, on va dans des rencontres, puis il y a des dignitaires, puis on les présente. On dit, ah, monsieur le maire est avec nous, monsieur le premier ministre, ou je ne sais pas quoi, puis on applaudit, on se tourne, on veut les regarder, puis c'est correct, dans le sens des dignitaires, la Bible nous encourage à respecter nos autorités, tout à fait, puis je n'ai pas de problème avec ça. Mais s'il y en a un qui est digne, hein, c'est Jésus. Que Dieu nous donne de le redécouvrir, de ne pas se laisser avec un cœur tiède. Vous savez, notre pire problème des fois, ce n'est pas nécessairement le péché. Oui, on a un sérieux problème avec le péché, mais c'est ces autres choses-là, légales pour un chrétien, hein, qui sont légitimes, mais qui prennent trop de place. Puis moi, mon cœur, je ne sais pas si vous vivez ça comme moi, là, mais moi, dans mon cœur, j'ai de la misère à être concentré sur deux affaires en même temps. Donc, si tout à coup, il y a de quoi qui m'impressionne, puis je me mets à regarder ça, puis un artiste, un sportif ou un bien ou quelque chose, de dire « waouh », puis bien facilement, là, Jésus perd de sa saveur. J'ai de la misère les deux. Mais d'où l'importance de regarder davantage à Jésus. Les Galates, Paul leur reproche de quoi d'intéressant. Il dit, « Oh, Galate, dépourvu de sens, qui vous a, vous vous rappelez, fasciné? Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié? » Ça veut dire que les Galates, ils ont vu Jésus à un moment donné, ils se sont convertis, ils ont donné leur vie, marche pour Jésus, Puis là, tout à coup, oups, ils ont été fascinés par quelque chose d'autre. Puis, pour les amener à détourner les regards de Jésus, et ça nous arrive aussi. Soyons sensibles à notre cœur. Si Jésus, quand on est dans des périodes de prière, d'adoration, où on arrive à la fin de la journée, puis on se dit, ouais, finalement, là, je pense à Jésus, puis je ne suis pas si bouillant, mon cœur est tiède, je pense que ça vaut la peine qu'on s'arrête et dire, non, Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Tu me dis que c'est central d'avoir une vision, compréhension de toi qui touche mon cœur, qui m'amène dans l'adoration, qui m'amène à te connaître, à vouloir vivre pour toi. Puis si je n'ai pas ça, je ne peux pas vivre. C'est en communion avec toi qu'on est appelé à vivre. Tu es le cep, on est les sarments, on a besoin d'être nourris par toi. Seigneur, donne-moi une vision rafraîchissante. 2, Jésus est intimement lié avec son Église. Dans le texte ici, ça c'est une des choses qui m'a toujours frappé dans ce texte-là. Avez-vous remarqué, Jean entend une voix derrière lui qui lui dit, « Bon, est-ce que tu vas voir, écris-le aux Églises? » Jean se détourne, Jésus est là. Mais quelle est la première chose qu'il voit? Avez-vous remarqué dans le texte? Il dit, je me détournais puis je vis 7 chandeliers d'or. Je dirais, voyons Jean, oublie, ça c'est l'Église. Alors, regarde Jésus, voyons donc, l'Église, il y a de quoi de plus glorieux que l'Église, Jésus est là. Non, non, il ne s'est pas trompé. C'est vrai que Jésus est plus glorieux que l'Église, on s'entend. Mais je pense qu'en faisant ça comme ça, il voulait montrer comment l'Église est importante, est précieuse pour le Seigneur Jésus. Jésus, ça nous décrit ici, il est au milieu des 7 chandeliers, puis il fait quoi? Il marche au milieu des 7 chandeliers. Ça me rappelle comment dans l'Ancien Testament, dans le Jardin d'Éden, Dieu marchait dans le jardin, parlait avec Adam et Ève. Jésus est au milieu des 7 chandeliers, marche au milieu des 7 chandeliers. Et par là, il veut nous montrer comment son Église est précieuse. Ne méprisons jamais l'Église de Dieu. L'Église du Seigneur Jésus qui l'a rachetée. Jésus est au milieu d'elle. C'est son épouse. C'est son peuple. Et Jésus la garde. Jésus va commencer en fait à parler. Puis il décrit. Et il va arrêter de parler à la fin du chapitre 3. Tout ce qu'il parle par la suite, c'est aux églises. Il y a un long message, il l'aime, il veut prendre soin de son église, il veut reprendre, mais donner des ressources, des provisions pour que l'église puisse le glorifier. C'est frappant. Comment réagissez-vous quand vous êtes déçu par l'église? Comment réagissez-vous quand vous vous êtes donné, vous avez travaillé, puis il me semble que l'Église ne répond pas, vous avez l'impression que votre ministère, il n'y a pas d'impact tant que ça. Puis, moi, je suis à veille de... Ça vous est déjà arrivé de vous dire, moi, je suis à veille de tout laisser tomber ça, là, puis moi, m'en rester tout seul chez nous avec Dieu, puis ma femme. Puis même des fois, ma femme, je trouve que... Hein? C'est pas mon cas, là, chérie. Bon, ça y est, là, je me fasse encore à dîner à midi. Non, non. Non, mais c'est vrai. On se dit, ça nous arrive souvent de dire l'Église, là, hey, moi, c'est aveugle. Puis dans ce temps-là, je me dis, OK, Seigneur, toi, tes églises, là, je regarde dans l'Apocalypse, ils n'étaient pas parfaites, mais tu marches au milieu d'elles. Tu ne les abandonnes pas, tu t'es engagé, tu les aimes. Tu vas les amener, tu as dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre va la rendre parfaite. Toi, tu persévères envers tes églises. Personnellement, c'est ce qui m'a gardé toutes les années, de toujours rester attaché à l'Église. Pas parce que je suis plus fin qu'un autre, mais cette vision-là où je dis, tu es déçu, tu as l'impression que ça n'avance pas comme tu voudrais, tu as l'impression qu'il y a des problèmes, puis tu as le goût de tout abandonner. Bien, c'est le temps, justement, que tu investisses encore plus. C'est ce que Jésus fait. 3, bien, justement, Jésus, il prend soin de son Église, avec tout ce que ça implique. Quand il dit, Jésus a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il dit ça, je suis avec vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis avec vous. Tu sais, quand quelqu'un dit ça, il va être avec toi. Ça veut dire quoi, ça? Ou bien il va dire, m'a pensé à toi. Il peut penser à moi, là, c'est bien fin, mais ça change quoi, tu sais, ça va changer quoi concrètement? Jésus, c'est pas ça quand il dit, je vais être avec toi. Je vais être avec toi. Et donc, Jean, déjà, on le voit, Jean est troublé, est tombé comme mort. Jésus le fortifie, met sa main droite sur son épaule. Et je parlais avec un frère dernièrement, très fragile, timide, qui prêche à son église de temps en temps. Puis il me dit, tu ne peux pas savoir le combat que c'est pour moi. Je me sens tellement pas à la hauteur, puis je me sens faible. Puis il dit, sais-tu ce qui m'a aidé? Il dit, puis ça a tout changé. De croire que Jésus est avec moi. Puis il dit, quand je suis en avant, puis que je prêche, je le vois avec la main sur mon épaule. C'est spécial. Quand il m'a dit ça, ça a resté là. J'ai dit, wow, il faut que je me rappelle de ça. Alors, dans ce que tu es en train de faire, là, Jésus ici, il prend soin de son Église. Et il va prendre soin au travers des lettres de chacune. Il sait ce qu'elle a besoin. Il sait ce qu'elle a besoin d'entendre. Il sait ce qu'elle a besoin comme ressource. Le Seigneur pourvoit comme il l'a promis. Donc, que le Seigneur nous bénisse et nous donne une vision rafraîchie de qui il est dans toute sa gloire. Pendant que les musiciens s'avancent, on va se courber et j'aimerais qu'on puisse vraiment mettre l'accent sur l'adoration, donc dans un court temps, qu'on puisse élever nos voix et adorer le Seigneur ensemble, qui est digne de toute notre adoration. Alors, prions, s'il vous plaît.